puissance. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu viens d'échapper par le feu, mon frère. Tu viens d'échapper par le feu, ma sœur. Regarde ce que tu as connu la semaine là. L'ennemi, il avait mijoté un plan macabre pour t'achever. Mais l'Éternel, il t'a protégé, il t'a gardé, il a renversé tous les projets. C'est pourquoi je vais te demander de te réveiller pour dire merci à Dieu. Au lieu de commencer à pleurer, à pleurnicher, mais dis merci au Seigneur parce qu'il vient de te délivrer d'un complot maléfique. Parce qu'il t'aime. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Éphésiens 5, 18 à 21. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Lisons donc Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Nous allons partager quatre vérités qui vont nous aider dans nos prières d'aujourd'hui. Il y a quatre impératifs. Premier impératif, ne vous enivrez pas de vin. Ici, c'est un ordre. Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, ne vous enivrez pas de vin. Le vin a beaucoup de dégâts, surtout le vin alcoolisé, l'alcool. Je veux parler à quelqu'un, regarde-moi bien. Écoute-moi bien, mon frère. Depuis que tu commences à fréquenter tes amis-là, vous allez en boîte, vous buvez l'alcool. Regarde comment ta vie commence à dégringoler. Regarde comment cela commence à affecter ton foyer. Regarde comment cela commence à affecter les finances. Il n'y a pas longtemps, tu as perdu un montant de plus de 500 000. Tu dois réfléchir. Ne t'enivre pas de vin. Vous voyez? On dit, c'est de la débauche. Dans d'autres versions, on dit, cela va t'entraîner à vivre dans la débauche. Souvent, lorsque quelqu'un aime le vin, il n'est pas loin de tomber dans la débauche. Je veux parler à un prophète. Écoute-moi bien. Le ministère que Dieu t'a donné est précieux, homme de Dieu. Mais laisse cette histoire de légèreté que tu as, où tu dis je vais prendre un peu de verre, tu veux prendre. Tu étais sérieux dans le ministère quand tu as commencé. L'œuvre de Dieu, Dieu t'utilisait puissamment. Ne brade pas le ministère que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose, il y a une onction sur ta vie. Et l'ennemi, il a dépêché des amis du monde pour te faire tomber dans le péché de la débauche. Est-ce que tu comprends cela? Fais attention. Le Seigneur dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans le monde, je veux parler à quelqu'un. Souviens-toi un peu de ce qui s'est passé dans le monde. Lorsque tu veux sortir pour chercher un concubin, une concubine, tu allais prendre un peu de vin. C'est-à-dire, c'est comme un excitant. C'est pourquoi la Bible dit, si tu vois que ton œil gauche est une occasion de chute, il faut l'enlever. Tu gagnes quoi en prenant du vin? Au contraire, ça t'entraîne dans la débauche. Ça t'entraîne dans les tentations. Je vais parler à un jeune. Pourquoi veux-tu imiter les autres? Parce que lorsque les amis sortent, ils prennent du vin, ils prennent de l'alcool, ils prennent du champagne. Toi aussi, tu te sens obligé. Non, la Bible dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Deuxième impératif, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Un chrétien qui aime le Seigneur, un chrétien qui veut expérimenter une vie chrétienne de gloire, de victoire, doit au contraire, c'est-à-dire au lieu d'être rempli du vin, le vin va t'entraîner à vivre dans le désordre, mais au contraire, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Écoute-moi bien, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Tu peux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es converti, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais si tu mènes une vie de péché, une vie d'immoralité, une vie de compromission, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu deviens ce qu'on appelle un chrétien charnel. Je vais parler à toi, ma sœur. Regarde comment tu étais très fervente dans le Seigneur. Mais depuis un moment donné, tu ne pardonnes pas difficilement. Il y a ta tante qui t'a fait du mal. Mais tu dois accepter de pardonner comme Christ t'a pardonné. Tu vois, ça t'a rongé au point que tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à servir le Seigneur. Je veux te demander de confesser, de pardonner. Et tu vas voir, l'Esprit de Dieu va encore te remplir. Je vais parler à quelqu'un, tu es tombé. Depuis que tu es tombé dans la débauche, tu vois, l'ennemi s'est accaparé de ta vie. Mais tu peux encore être rempli du Saint-Esprit. Demande pardon au Seigneur. Il va te libérer. Le Seigneur dit, soyez rempli du Saint-Esprit. C'est un ordre, c'est un commandement. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec efficacité de ta propre force. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même pouvait dire dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de servir l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de mener une vie chrétienne victorieuse. Alors tu dois demander d'être rempli du Saint-Esprit. Troisième impératif, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous voyez ici, on met l'accent sur la louange. Entretenez-vous par quoi? Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Je parle à quelqu'un. Regarde bien dans ta voiture. Je parle à toi, mon ami. Si on fouille dans ta voiture là, tu as beaucoup de CD chrétiens. Mais qu'est-ce que les CD païens font dans ton répertoire, mon ami? Comment tu combines les deux musiques? Est-ce que en quoi ces musiques là, ces CD que tu as t'édifient? Ici, on nous parle de cantiques spirituels. Les cantiques spirituels supposent des cantiques qui sont inspirés du Saint-Esprit. Des cantiques qui te poussent à adorer le Seigneur. Alors, maintenant, les CD que tu as là, tu dis oui, il y a des CD qui m'instruisent. Est-ce que les CD de la musique profane, ça t'instruit en quoi, mon ami? Ça te fait retourner dans le monde. Je vais parler à un chantre. Écoute-moi bien. Tu veux faire un CD? Mais tu écoutes des musiques mondaines, tu dis oui, ça peut t'inspirer. Mon ami, il faut faire attention. Prends du temps dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'inspirer. Regarde la parole de Dieu, la Bible, elle est très riche. Vous voyez, la Bible nous parle des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous voyez, nous devons apprendre à chanter, à glorifier l'Éternel, parce qu'il est un Dieu digne de recevoir la louange. Dieu ne t'a pas créé pour que tu pleurniches. Toi qui, ces derniers temps, dès que tu rencontres quelqu'un, c'est pour te plaindre. Moi, je manque ceci, moi, je manque cela. Non, tu vas commencer à louer l'Éternel. Paul et Silas, pendant qu'ils étaient dans la prison, ils n'ont pas commencé à murmurer, ils n'ont pas commencé à pleurer. La Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, ils chantaient les cantiques et louaient l'Éternel. de telle sorte que tous les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Tous les liens des prisonniers furent brisés. Je vais dire à quelqu'un, oui, c'est vrai que tu souffres. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des moments de maladie. J'aimerais te dire, au lieu de t'apitoyer, commence à louer l'Éternel. Vois sa grandeur, vois sa puissance, vois sa gloire. On dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Quatrième impératif, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Rendre grâce à Dieu, c'est remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Quand Dieu t'a béni, apprends à rendre grâce. Je veux parler à quelqu'un. Regarde comment l'Éternel, il t'a béni. Tu viens de te marier. Tu as vu la main de Dieu. Dans ta famille, dans le monde spirituel, le mariage était barricadé. Mais l'Éternel a eu compassion de toi. Tu as vu comment ton mariage s'est déroulé? Mais c'est une occasion de rendre grâce à Dieu. Et si possible, même de faire une offrande à l'Éternel. C'est une façon de rendre grâce à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tu viens de recevoir une nomination. Tu viens même d'effectuer un voyage en France. Tu es rentré. Dieu t'a béni. Tu as eu des missions, des frais de mission. Regarde mon ami. Sois reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait. Tu as fait même des promesses à Dieu, mais tu ne les as jamais accomplies. Vous voyez? On dit, rendez continuellement grâce. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu dois revenir dire merci au Seigneur. Je vais même parler à quelqu'un. Écoute-moi bien, tu as fait des engagements à OSB dernier pour soutenir Fréquence Vie. Et pourtant, Dieu a déjà débloqué ta situation. Tu as vu la main de Dieu. Le concours pour lequel on a prié, ça a marché. Mais tu attends quoi pour rendre grâce à Dieu? Ne sois pas ingrat. On dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu digne de louange. Il est le Dieu digne d'être magnifié. Je voudrais que chacun de vous maintenant se dispose à le louer en chantant ce cantique avec nous. Gloire au Dieu des armées. Gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire. Celui devant lequel les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent et disent qu'il est trois fois saint. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. sans nom. À Dieu, il mérite la louange. Lève tes mains là où tu es. Commence à bénir l'Éternel, celui qui t'a gardé toute la nuit, celui qui a accompli de grandes choses. Commence à penser aux merveilles qu'il a accompli dans ta vie. Il est digne de louange. Bénissons ensemble le Seigneur. Que ton nom soit béni, ô éternel notre Dieu, toi le Dieu vivant, le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes les nations. Oui, sois magnifié, toi le Dieu qui retire le pauvre de la poussière et qui les fait asseoir avec les grands. Oh, sois magnifié, Seigneur, toi le Dieu qui élève et qui abaisse, le Dieu qui appauvrit et qui enrichit. Tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le Dieu vivant. Toi notre Créateur. Le Créateur du monde visible et invisible. Oh, que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi le Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons en ce moment et nous te rendons toute la gloire. Toi notre Dieu, notre Père, toi qui nous sauves jour après jour, nous te bénissons en ce moment. Oh, que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à OSB, Opération sur la Brèche. Notre émission est rediffusé sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Éphésiens 5, 18 à 21. Nous venons de voir plusieurs impératifs. Premier impératif, ne vous enivrez pas de vin. c'est de la débauche. Nous allons prier. Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la légèreté. Oui, qui aiment le vin. Il y a même des foyers qui commencent à être menacés. Parce que monsieur, il a commencé à boire du vin. Et quand il prend du vin, il ne se contrôle pas. Il y a des palabres. Il bat sa femme. Il commence à déconner. Il commence à sortir avec d'autres filles. Oh, nous allons prier pour combattre cet esprit d'ivrognerie qui ronge même dans nos milieux chrétiens. Et si toi-même, tu te sens vraiment victime, prie, répands-toi. Prie pour que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Très excellent Père, c'est une grâce pour nous d'invoquer ton nom ce matin. C'est une grâce et un privilège d'invoquer ton nom parce que tu as réalisé des grandes choses dans notre vie. C'est une grâce d'invoquer ton nom parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est une grâce d'invoquer ton nom parce que c'est toi qui nous as rachetés. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que cette grâce continue de demeurer en nous. Nous prions au Père éternel contre toute forme d'ivrognerie. Nous prions au Père éternel contre toute forme de déchéance morale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout lien de l'ivrognerie, toute forme d'accoutumance à l'alcool soit lié au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous préserves de toute forme d'ivrognerie. Ivrognerie qui cause des dégâts dans des familles, dans des foyers, dans les lieux de profession également. Nous prions Père éternel et nous demandons que tu interviennes dans la vie de ceux qui sont liés par ces liens de l'alcoolisme. Délivre-les au Père éternel, affranchis-les de ces liens dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous demandons que tu nous fortifies, que tu nous guides et que tu nous gardes afin que nous puissions demeurer sobres, afin que ta crainte soit la ligne directrice de notre marche. Toi qui nous soutiens, toi qui nous guides, toi qui nous gardes, nous mettons notre foi en toi, nous mettons notre confiance en toi Père éternel afin de ne pas nous éloigner de tes voies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Le texte dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Mais ce qui empêche la plénitude du Saint-Esprit, c'est le péché. Quand nous gardons la haine, nous gardons la rancune, quand nous vivons dans le mensonge, ces choses nous empêchent d'être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier, chacun va prier. Peut-être que depuis un certain temps, tu n'as même plus le zèle de prier. Tu n'as même plus le zèle d'évangéliser, de faire le ministère. Tu vas demander pardon, que Dieu te sanctifie, que Dieu te purifie. Et tu vas lui demander de te remplir du Saint-Esprit pour que tu aies la capacité de le servir avec zèle, avec autorité, avec puissance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation et la majesté. Tu nous as tout le temps soutenus, tout le temps accompagnés. Mais dans ces derniers temps, il y a une lourdeur, il y a un découragement, il y a un désespoir, il y a un découragement qui nous gagne. Et pour cela, nous avons baissé les bras dans la prière, baissé les bras dans la méditation de la parole de Dieu, baissé les bras dans notre attachement à toi, pour la pression que nous avons, pour des sujets de prière qui sont encore non exaucés. Mais nous voulons te demander, par ton esprit, Seigneur, nous voulons continuer à te suivre, continuer à faire chemin avec toi. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, renouvelle nos forces. Nous voulons aller en profondeur avec toi, parce que tu as dit à Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet. Et il a dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien gagné, mais sur ta parole, nous sommes désespérés, nous sommes découragés, mais sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole ce matin, nous nous levons pour la prière, nous nous levons pour la méditation. Sois béni parce que nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous voyons ici, le Seigneur nous demande de lui rendre grâce de manière continuelle. Lorsque nous avons vu la main de Dieu dans notre vie, il a débloqué notre situation, il a débloqué notre travail, il a débloqué même notre situation. C'est une occasion de lui dire merci par l'action de grâce, par nos prières, mais aussi par nos dons, par nos offrandes. Nous allons prier pour que Dieu nous libère de cette ingratitude. Et nous allons en profiter pour prier même pour les amis de Fréquence Vie, pour tous ceux qui ont pris des engagements pour soutenir le ministère de la radio. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à être fidèles, à lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nos vies, pour notre travail, pour notre famille. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Je t'exalte, ô Dieu, mon roi, je bénis ton nom. Chaque jour comme ce matin, je célèbre ta puissance, car tu es grand et tu es digne de louange, et ta grandeur est insondable. De génération en génération, que tout ce qui respire te célèbre, célèbre tes œuvres et publie tes refaits, parce que chaque jour, Seigneur, nous voyons la splendeur, la glorieuse majesté. Nous voyons ta main à l'œuvre. Tu combats pour nous. Le diable n'a pas accès à nos vies. Quelle grâce! Tu nous bénis, tu nous ouvres des portes. Tu nous donnes les moyens, tu payes nos factures. Tu nous donnes le souffle de vie. Tu nous donnes, Saint-Esprit de Dieu, de l'argent. Et nous pouvons payer ce dont nous avons besoin. Car, Seigneur notre Dieu, tu nous as effectivement visités. Et nous sommes ingrats, nous sommes méchants. Nous n'arrivons pas à te donner les offrandes comme il se doit. Même la dîme, nous retranchons. Oh mon Dieu, je te demande pardon. Aie pitié de nous, sanctifie-nous. Seigneur, je voudrais te recommander en ce jour les amis de Fréquence Vie, tous ceux qui ont décidé dans leur cœur, oui, de soutenir la radio et qui ne le font pas. Saint-Esprit, merci de les motiver. Merci, oh Dieu, de leur donner la capacité de se lever et d'obéir aux vœux. Sois loué, sois glorifié, parce que tes enfants obéissent à ta parole et à cette voix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la puissance, par son bras puissant.